Chapitre 18. Lucien Labroux attendait, en travaillant avec ardeur, l'époque où, muni d'un mot de Georges, il se présenterait lui-même chez l'industriel millionnaire, qui n'avait rien à refuser à son avocat. En voyant son fiancé presque joyeux, Lucie était devenue plus gaie, et son activité travailleuse semblait augmenter encore. Au moment où nous rejoignions Lucie dans sa chambrette du quai Bourbon, elle venait de terminer la première partie du travail délicat qui lui avait été confié par Madame Augustine. Il était 9 heures du matin. « J'ai tout juste le temps de déjeuner vite, » se dit l'ouvrière. « Après l'essayage, qui sera long certainement, il faudra que j'aille à l'atelier chercher des fournitures et montrer l'assemblage à la patronne. » Lucie allumait un petit réchaud et faisait chauffer les restes de son dîner de la veille. « Ah !» s'écria-t-elle tout à coup, « je n'ai pas de pain. La porteuse ne m'a point monté le mien. » Elle descendit ses 6 étages, ouvrit la porte de la loge et demanda « La porteuse vous a remis mon pain, Madame Dominique ?»« Mais non, Mademoiselle Lucie. »« Ah, par exemple. Entrez donc, il fait frisquet. »« Pas plus le vôtre que le mien. À cette boulangerie-là, impossible de compter sur eux. Ils changent de porteuse pour un oui ou pour un non. » À ce moment, une grande jeune fille blonde, sèche et laide, frappait à la porte de la loge. Elle tenait dans ses bras 4 pains de formes différentes. « C'est la porteuse, » dit Lucie. « Encore une nouvelle !»« Ah bien !» s'écria la concierge, « ça n'est point malheureux. On finira par ne plus venir du tout, de votre maison, apporter le pain aux clients. En voilà une baraque !»« Est-ce que c'est ma faute à moi ?» répliqua la porteuse d'un ton maussade. « Je remplace aujourd'hui celle qu'on a fichue à la porte avant-hier. Et je ne connais pas la clientèle. D'ailleurs, ce n'est plus moi qui viendrai. La patronne cherche une porteuse. Moi, j'ai un autre état. » Lucie remonta vivement chez elle, ne mit guère qu'un quart d'heure à déjeuner et se rendit à l'hôtel de la rue Murillo. Marie-Armand, depuis quelque temps, était plus souffrante. Cet état maladif rendait singulièrement inégal le caractère de la jeune fille. À de violentes crises nerveuses succédaient de longues heures de marasme et d'abattement. En ces moments, elle devenait très douce, se sentant prise de pitié pour toutes les infortunes et se disait « Je suis riche, je devrais faire du bien autour de moi ». Elle se trouvait dans cette disposition de bienveillance lorsqu'on lui annonça qu'une jeune fille, envoyée par sa couturière, demandait à la voir. Marie donna l'ordre de faire monter la jeune fille et l'accueillit de l'air le plus gracieux. « Avez-vous fait des merveilles, mademoiselle Lucie ?»« J'ai fait de bon mieux. Je viens pour l'essayage. » Lucie étala la robe sur le canapé. « Mais c'est fort joli déjà !» s'écria Marie. « La manière dont les garnitures sont posées est très originale. »« C'est moi qui ai trouvé cela, » dit l'ouvrière. « Eh bien, vous avez infiniment de goût. » La fille de Paul Armand était redevenue gaie. La pâleur de son visage avait subitement disparu, quoique d'instant en instant une petite toux sèche souleva la poitrine. « Pauvre jeune fille, » pensait Lucie, « elle est bien malade. » Lucie se mit en devoir de procéder à l'opération de l'essayage. Marie demanda, « Il y a longtemps que vous travaillez pour Madame Augustine ?»« 15 mois bientôt, mademoiselle. » »« J'ai compris qu'elle aimerait vous avoir à demeure. » »« Je sais. » Mais j'aime mieux travailler chez moi. Vous vivez avec vos parents, sans doute? Je n'ai pas de parents, mademoiselle. Vous êtes orpheline? Je n'en sais rien. À l'âge d'un an, j'ai été déposée à l'hospice des enfants trouvés. Ainsi, votre père, votre mère, vous ont abandonné? Mais c'est horrible, cela. Oui, c'est cruel, fit Lucie. Mais il ne m'est jamais venu à la pensée de blâmer ma mère inconnue. Je me suis dit que sans doute elle n'était point coupable, que la misère, la faim, l'avaient contrainte à faire ce qu'elle avait fait, et que mon père était peut-être mort. Ne vous a-t-on point dit de quelle façon vous aviez été déposé, si quelque indice permettrait de vous reconnaître un jour, et pourrait vous aider à retrouver votre famille? J'ai demandé cela, mademoiselle, lorsque j'ai eu l'âge de comprendre. On m'a répondu qu'on avait en effet déposé en même temps que moi une chose de nature à me faire reconnaître, mais que les règlements défendaient de me le faire savoir. Mais à quoi sert alors de déposer en même temps qu'un enfant un signe de reconnaissance? Cela permet aux parents de réclamer un jour l'enfant. Le jour et l'heure du dépôt d'un enfant sont constatés sur un registre. On décrit les vêtements du petit abandonné, les marques du linge et les objets d'une nature quelconque attachés au linge. L'enfant est inscrit sous un numéro. Je portais, moi, le numéro 9. À ce numéro, on joint un nom. Tout cela est étrange et donne le frisson. Quel âge avez-vous, Lucie? Vous me permettez de vous appeler Lucie, n'est-ce pas? Oh, mademoiselle, je crois bien. J'ai 22 ans, mademoiselle. « Comment, étant une très habile ouvrière, n'avez-vous pas songé à fonder un établissement? Il me faudrait une clientèle et des capitaux. Il me semble que vous pourriez trouver un mari, sinon riche du moins possédant quelque argent. Cet argent vous servirait à meubler un appartement, à installer des ateliers, et la clientèle viendrait ensuite. » En entendant prononcer le mot de mari, l'ouvrière devint très rouge. La fille de Paul Armand dit en souriant, « Oui, ou je me trompe fort, ou vous songez à vous marier. Oui, je songe à me marier, mais celui que j'aime et qui m'aime est sans fortune. Il veut attendre pour nous marier qu'un bon emploi lui permette de nous faire vivre. Une fois sa femme, je travaillerai bien peu, car il voudra que je m'occupe exclusivement des soins du ménage. Le jour de votre mariage, ma chère Lucie, je serai heureuse de vous constituer une petite dot, à la condition que votre mari vous permette de travailler pour moi seulement. Je lui demanderai, en lui parlant de vos bontés, et je suis bien sûr qu'il ne me refusera pas. Quand aurez-vous besoin de votre robe, mademoiselle ? Jeudi prochain. Je dois assister ce jour-là à une soirée dansante chez la femme de l'un des amis de mon père. Vous l'aurez jeudi, mademoiselle. Où demeurez-vous, ma chère enfant ? Quai Bourbon, numéro 9, répondit Lucie. Bien, je prends note du numéro. Allons, au revoir, Lucie. Au revoir, mademoiselle, et merci encore. Marie, après le départ de l'ouvrière, était retombée dans sa tristesse. Elle vint se blottir devant le feu en pensant à Lucie. « Enfant trouvé, murmura-t-elle, sans père, sans mère, et cependant elle est heureuse. Elle ne s'ennuie jamais, elle travaille, elle espère en l'avenir et elle aime. Elle est aimée. Saurais-je jamais, moi, qui suis riche, ce que c'est que l'amour ?» Un accès de toux empourpra violemment les pommettes de la jeune fille. Elle porta son mouchoir à ses lèvres. Quand elle le retira, il était taché de rouge. Marie devint très pâle. « Du sang, balbutia-t-elle, et la poitrine me brûle. Il me semble que j'ai un charbon ardent entre les deux épaules. » Elle alla prendre une cuillerée de potion, puis revint s'asseoir. « Je voudrais aimer, moi aussi, » fit-elle en soupirant. La boutique du marchand de vin, qui avait pour enseigne ces mots « Au rendez-vous des boulangers », était bien nommée. C'était en effet le lieu de réunion des gindres, où garçons boulangers, des mitrons et des porteuses de pain du quartier. Chaque quartier de Paris enferme une ou deux de ces maisons, qui servent de lieu de rendez-vous aux employés de la boulangerie. Tout le monde se connaît. Chacun raconte à son voisin ses affaires de boutique. C'est dans la grande salle, encore à demi-pleine, que Jeanne Fortier pénétra. En voyant tous ses dîneurs, la fugitive eut un moment d'indécision. Elle s'arrêta près du seuil. Une servante passant non loin d'elle lui dit « Oh, madame, il y a encore de la place !»« Oui, oui, il y en a, » fit un garçon boulanger de 24 ou 25 ans, installé près de l'entrée. « Tenez, à côté de moi, nous sommes tous de la boulange ici, et quand vous n'en seriez pas, on vous accueillerait bien tout de même. » Jeanne sourit et vint s'asseoir à côté du garçon boulanger. La veuve de Pierre Fortier commanda son dîner. Tout à coup, le brave garçon interpella un jeune homme placé à quelques tables plus loin. « Dis donc, Tourangeau, tu ne connaîtrais pas un moyen pour empêcher ma patronne d'avoir des attaques de nerfs et mon patron d'être grincheux ?»« Qu'est-ce qu'ils ont donc ?» répliqua le jeune homme. « Et qu'est-ce qu'il faudrait pour les guérir ?»« Tout simplement une bonne porteuse. »« Rien que ça, » fit le Tourangeau en riant, « c'est le merle blanc, les bonnes porteuses. » Depuis 15 jours chez ma patronne, nous en avons changé 4 fois. C'est encore mieux chez Le Bret, mon patron. En 2 jours, nous en sommes à la 5e. La clientèle se plaint, menace d'aller ailleurs, et ça met le patron et sa femme dans tous leurs états. Celle qui se présenterait en ce moment et ferait l'affaire serait bien sûre d'avoir 3 francs par jour et 2 livres de pain. Si tu en connais une, tu peux l'envoyer. Jeanne avait écouté avec une attention facile à comprendre. Quand fut terminé son repas, au lieu de s'en aller, elle attendit. Le garçon boulanger s'était mis à lire un journal. Jeanne lui posa la main sur le bras. « Pardon, monsieur, lui dit-elle. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ? Demanda le jeune homme. « Vous venez de dire tout à l'heure que chez votre patron, on avait besoin d'une porteuse de pain. »« Sans doute. Est-ce que vous pensez à vous proposer ? Oui. »« Est-ce que vous êtes du métier ? Je n'en suis pas, mais il me semble que ça ne doit point offrir de bien grandes difficultés. Ceux qui m'emploieraient, j'en suis sûr, seraient contents de moi. Parbleu, on voit bien que vous n'êtes point bête. » « Mais je dois vous prévenir que le métier est fatigant. Je suis forte, j'ai du courage. Connaissez-vous Paris ? Pas beaucoup, mais tous vos clients doivent se trouver dans le même quartier. Le patron en a un peu partout. Où demeure-t-il ? Rue Dauphine. Mais nous avons des pratiques jusque dans la cité, jusqu'au Marais. Croyez-vous que si je me présente, on m'acceptera ? Oh, quant à ça, j'en réponds. Depuis 3 jours, on cherche une porteuse de tous côtés. Ce soir, si vous voulez, je dirai au patron que vous viendrez demain matin. » « Eh bien, rendez-moi ce service, je vous en prie. »« Comptez que je le ferai, » dit-il, « et avec plaisir, car vous m'avez l'air d'une brave femme. Vous n'aurez qu'à vous présenter à la boutique de ma part, de la part du Lyonnais. Vous y trouverez la patronne. À propos, quel est votre nom ?»« Lise Perrin. »« Suffit. » Et le Lyonnais quitta la salle du restaurant pour aller commencer sa besogne. Jeanne regagna sa nouvelle demeure. Porteuse de pain, se disait-elle en gravissant les escaliers qui conduisaient au plus haut étage. 5 heures de travail par jour. Le reste de la journée, je serai libre. Je pourrai employer tout ce temps à chercher mon fils. Le lendemain, elle se rendit à la boulangerie de la rue Dauphine. Madame Lebret se trouvait au comptoir. Lorsque Jeanne dit qu'elle venait de la part du Lyonnais, la patronne l'accueillit avec le sourire le plus aimable et s'écria « Vous venez vous offrir comme porteuse ?»« Oui, madame. Vous n'avez jamais fait ce métier-là »« Jamais. Mais j'espère que la bonne volonté suppléera au manque d'habitude, et je ferai tout pour vous contenter. »« J'espère. Vous m'acceptez donc ?»« Certainement. À l'essai. Où demeurez-vous ?»« Rue de Seine, 24. J'arrive de mon pays où j'étais depuis 3 ans. Je suis veuve. »« Ça suffit. Votre bonne mine me tient lieu de renseignement. Vous vous nommez ?»« Lise Perrin. » Eh bien, Lise, vous entrerez en fonction demain. Aujourd'hui, vous passerez la journée à aller avec ma servante chez les clients, dont j'en vous donnerai l'adresse. À quelle heure faut-il arriver à la boutique ? À 6 heures, pour la distribution du matin. Quoique nous ayons des clients qui demeurent loin, vous pourrez être rentré à 9 heures. Il faudra revenir ensuite à 5 heures du soir, car nous avons des maisons et des restaurants pour lesquels on cuit le tantôt. C'est une affaire d'une heure et demie, 2 heures. Bien, madame. Vous gagnerez 3 francs par jour et 2 livres de pain. « C'est mon prix. Tenez, voici 10 francs, votre denier à Dieu. » La fugitive rougit, témoigna sa gratitude, promit d'être exacte et se retira. À midi, elle était de retour à la boulangerie, où la bonne de la maison l'attendait. Elles partirent, et au bout de 2 heures, Jeanne avait gravé dans sa mémoire les adresses de la clientèle du matin. Ses travaux et ses recherches ne devaient pas lui laisser le temps de faire sa cuisine. Elle se dit qu'au rendez-vous des boulangers, les portions n'étaient pas chères, et qu'elle pourrait y venir chercher sa nourriture. En conséquence, elle s'y rendit et rencontra le Lyonnais qu'elle remercia. « De rien, maman Lison, » répliqua le garçon jovial. Le nom de maman Lison devait rester à Jeanne parmi les gens de la boulange, qui, à partir de ce jour, la reconnurent pour l'une des leurs. Le lendemain matin, Jeanne, à l'heure convenue, arrivait à son poste. Munie du livre d'adresse des clients, elle s'était vite, la veille au soir, une fois rentrée chez elle, tracé un itinéraire, afin de perdre le moins de temps possible. Le quai Bourbon étant l'endroit le plus éloigné de son parcours, ce fut celui qu'elle choisit pour s'y rendre en dernier. Jeanne monta chez les pratiques. Au 6e étage, la porte de Lucie s'ouvrit, et la jeune fille parut sur le seuil. « Ah, c'est mon pain que vous me montez, madame ?»« Oui, mademoiselle, » répondit Jeanne, éblouie de la beauté de l'ouvrière. « C'est un pain de 2 livres, n'est-ce pas ?»« De 2 livres, oui. Venez, je vais vous payer. » L'évadé de Clermont entra dans la chambre dont l'ordre parfait et la merveilleuse propreté la frappèrent. « Vous paraissez fatiguée, ma bonne dame, » dit Lucie. « Je le suis un peu, mademoiselle. La tournée est longue et c'est la première fois que je la fais. » Tout en disant ce qui précède, Jeanne ne partait pas. Ses regards ne pouvaient se détacher du visage de Lucie. Elle se sentait entraînée vers elle par une sympathie soudaine. « Vous n'avez pas l'habitude du métier de porteuse, » reprit l'ouvrière. « Non, mademoiselle, mais je m'y habituerai vite. Ce n'est point la force qui me manque, ni le courage. Allons, au revoir. »« Au revoir, ma chère dame. » Mais Jeanne ne s'en allait point. Ses pieds lui semblaient cloués au sol. Une machine à coudre et des étoffes attirèrent son attention. « Vous êtes couturière, mademoiselle » demanda-t-elle. « Oui, chère dame, tout à votre service. »« Oh, je n'ai point le moyen de me faire faire des robes de belles étoffes comme celles que voilà. » Puis Lucie demanda à son tour. « C'est vous qui m'apporterez mon pain tous les jours ?»« Aussi longtemps que je serai porteuse chez madame Lebret. Et j'espère que ça ne finira pas de si tôt. »« Si cela vous fatigue de monter jusqu'au 5e, déposez-le chez la concierge. Vous n'aurez qu'à dire, c'est le pain de mademoiselle Lucie. » En entendant ce nom, Jeanne pâlit. « Ah, balbutia-t-elle, vous vous nommez Lucie ?»« Oui, ma chère dame. Un bien joli nom, un nom que j'aime. » Jeanne fit un pas en arrière, enveloppa la jeune fille d'un dernier regard et se retira en disant « À demain, mademoiselle. » En retournant à la boulangerie, la porteuse de pain pensait « Lucie, elle se nomme Lucie, comme ma petite fille. Son nom a réveillé, en mon âme, de cruels souvenirs. Sa vue a produit sur moi une impression étrange. Ma fille doit avoir cet âge. » Elle doit être aussi grande, aussi belle. Je veux revoir cette jeune fille. » Le lendemain et les jours suivants, la veuve de Pierre Fortier gravissait lestement les 5 étages pour remettre elle-même son pain à Lucie. La jeune fille se sentait attirée vers cette brave femme, accomplissant avec tant de courage son pénible labeur. C'était toujours par la maison du quai que Jeanne finissait sa tournée, et elle se hâtait afin de pouvoir rester dans la mansarde pendant quelques minutes. Elle regardait Lucie travailler, la dévorait des yeux, et partait le cœur content. De temps à autre, Jeanne voyait Lucien auprès de sa fiancée. La fugitive de Clermont ne se doutait guère que ce beau jeune homme, dont elle ignorait le nom, était le fils de Jules Labroux, qu'on l'accusait d'avoir assassiné. l'époque fixée pour le retour à Paris du faux Paul Armand approchait. On attendait Paul Armand le 2 du mois. Le 1er du mois, Lucien reçut une lettre de son ami. Le jeune avocat l'engageait à déjeuner pour le lendemain. À l'heure indiquée, Lucien arriva et sa première parole fut « Y a-t-il du nouveau ?»« Oui, j'ai revu Mademoiselle Armand. Tu te présenteras vers 10 h du matin à l'hôtel de la rue Murillo et tu demanderas à parler de ma part à Mademoiselle Marie. Elle te conduira auprès de son père. Je te remercie de tout cœur, mon cher Georges. » Nous réussirons, je l'espère et j'y compte. J'ai préparé ce matin une lettre pour Monsieur Armand. La voici. » Lucien prit la lettre et lut à haute voix. « Mon cher Monsieur Armand, cette lettre vous sera remise par un de mes amis de collège, élève des arts et métiers. Mécanicien et dessinateur d'un sérieux mérite, mon ami se trouve en ce moment à la suite de grands malheurs, non sans l'emploi, mais dans une situation indigne de ses talents et de ses aptitudes. Je sollicite de vous, pour mon ami Lucien Labroux, l'emploi de directeur des travaux de vos usines. Vous le verrez à l'œuvre et vous me remercierez, j'en suis sûr, du cadeau que je vous aurai fait. » En attendant, cher monsieur Armand, recevez l'expression anticipée de ma gratitude et croyez au sentiment de haute estime de votre avocat tout dévoué. Georges Darrier. Lucien serra les mains de son ami. « Merci, lui dit-il d'une voix émue. » Mets la lettre dans ton portefeuille et demain à 10 h, sonne à l'hôtel de la rue Murillo. Lucien, le lendemain, se préparait à se rendre chez Paul Armand et mettait à sa toilette un soin minutieux. Avant de quitter la maison, il entra chez Lucie. « Vous partez, mon ami ? » demanda-t-elle. « Oui, ma chère Lucie, je vais faire ma visite à un industriel riche à millions et prêt à continuer en France les affaires qui ont fait sa fortune en Amérique. Comment se nomme cet industriel ? Mon ami Georges m'avait fait promettre de taire ce nom jusqu'après ma visite, mais je ne puis avoir de secret pour vous. Il s'appelle Paul Armand. » « Paul Armand, rue Murillo ? Oui, vous le connaissez ? Non, mais je connais sa fille. C'est pour elle que j'ai fait dernièrement cette robe de soirée qui vous émerveillerait. Et maintenant, je n'ai plus peur que vous échouiez. » Mademoiselle Marie est charmante, bonne, douce, bienveillante, affectueuse, et le père d'une telle fille ne peut être qu'un homme excellent. Allez vite, mon ami. » Lucien gagna le quartier aristocratique du parc Monceau. Sitôt arrivé, Marie le recevait. La jeune fille, ayant passé une bonne nuit, avait le visage moins fatigué, les traits moins tirés que de coutume. Elle était ravissante ainsi. À l'entrée de Lucien, elle se leva et fit deux pas au-devant du nouveau, qui la salua respectueusement. D'un seul regard, elle enveloppa le visiteur et trouva qu'il avait la taille élégante, la tournure distinguée, le visage intelligent et sympathique. Bref, il lui plut à première vue. « Vous êtes, monsieur, dit-elle, avec un sourire très chaudement recommandé par monsieur Georges Darrier, pour qui mon père fait profession d'une estime toute particulière. Georges Darrier, mademoiselle, est mon meilleur ami. Je vous attendais, monsieur. Georges m'a dit que vous voudriez bien me prêter votre appui tout-puissant et me présenter à monsieur votre père, à qui j'apporte une lettre de recommandation de mon ami Georges. » Lucien parlait d'un ton respectueux, mais qui n'avait rien de trop humble, ni de platement obséquieux. Marie ferma les yeux sous la caresse de la voix douce de son visiteur. « Asseyez-vous, monsieur, dit-elle, en désignant de la main un siège, nous allons causer. Monsieur Darrier m'a dit que jusqu'à ce jour, l'occasion d'utiliser vos aptitudes vous avait manqué, et que vous désiriez trouver une position dans la grande usine que mon père doit ouvrir. Cette position, mademoiselle, si elle m'était donnée, « assurerait mon avenir, » interrompit Lucien. J'ai répondu à M. Darrier que les concurrents étaient nombreux, mais en même temps je lui ai promis de faire tout ce qui dépendait de moi, afin d'obtenir que vous soyez préféré. Pour arriver à ce but, il importe que vous soyez le premier à voir mon père. Pour vous, qui êtes l'ami de M. Darrier, et qui méritez personnellement l'intérêt le plus sérieux, je ferai ce que je n'ai jamais fait, et j'userai de mon influence. Si tant est que cette influence existe, je vous présenterai à mon père, et j'appuierai votre requête. « C'est du fond du cœur que je vous remercie, mademoiselle, » répondit Lucien très ému. Marie écoutait le jeune homme avec un trouble profond, dont elle ne se rendait pas bien compte, mais qui lui semblait délicieux. Ses yeux se fixaient avec complaisance sur la figure franche et loyale du fils de Jules Labroux. « Je ferai donc tout ce qui dépendra de moi, » reprit-elle. « J'aurais voulu vous voir aujourd'hui même emporter d'ici une certitude au lieu d'une espérance. Malheureusement, c'est impossible. » « Mon père n'est point de retour. J'ai reçu de lui hier une dépêche m'annonçant qu'il était obligé de passer un jour de plus en Belgique, et qu'il n'arriverait que ce soir. » « Ce n'est qu'un retard sans importance, » fit Marie en devenant pourpre à son insu. « Mais il faudra revenir demain. À demain donc, mademoiselle. »« À demain, monsieur. Mais j'y songe, » fit-elle en riant. « Je ne sais pas votre nom. »« Lucien Labroux, » répondit le jeune homme. « Lucien Labroux, » répéta Marie. « Je ne l'oublierai pas. » Le visiteur s'inclina, le cœur gonflé de joie, et sortit du petit salon. La fille de Paul Armand voulut le reconduire jusqu'au vestibule, s'arrêta sur la plus haute marche du perron et le regarda traverser la cour. Au moment de franchir la petite porte de la grille, Lucien se retourna et salua de nouveau Marie. Mademoiselle Armand répondit par un geste de la main, puis, la porte refermée, elle regagna le petit salon. « Lucien, Lucien, » répétait-elle à demi-voix, « se protéger et fait honneur à Monsieur Darrier. Je viens de le voir pour la première fois, et il me semble qu'il est déjà un vieil ami pour moi. Il faut qu'il plaise à mon père. Je le veux, et cela sera. » Paul Armand arriva le soir, ainsi que l'avait annoncé le télégramme expédié de Bruxelles la veille. Le millionnaire fut frappé du changement survenu pendant son voyage dans l'apparence de sa fille, et il éprouva une profonde douleur. Pour la première fois, il aperçut nettement le danger que, jusqu'à ce moment, il n'avait pas voulu voir. Il demanda à Marie s'il s'était passé quelque chose à l'hôtel, depuis la dernière lettre qu'elle lui avait adressée en Belgique. La jeune fille le renseigna, mais sans dire un mot de Lucien Labroux. Ce silence était le résultat d'un plan. « Parle-moi de toi, cher enfant, » reprit Paul Armand. « Tu me parais plus souffrante qu'au moment de mon départ. »« C'est une illusion, mon bon père, » répondit Marie d'un ton gai. « Je ne souffre pas, je me sens l'homme joyeuse, et je t'assure qu'en ce moment, je me porte à merveille. » Malheureusement, une petite toux sèche vint démentir les paroles de la jeune fille. « As-tu revu Georges Darrier ?» demanda Paul Armand un instant après. « Une fois. Je te dirai demain le motif de sa visite. Pourquoi pas immédiatement ?»« Parce que, tout à la joie de te revoir, je désire ne point parler d'affaires aujourd'hui. Sortiras-tu de bonne heure demain ?»« Certes, je déjeunerai dehors. » Tu ne me causeras point le chagrin de me laisser déjeuner seul le lendemain de ton retour. Nous nous mettrons à table à 10 heures, et tu partiras ensuite. Est-ce qu'il m'est possible de te désobéir, chère mignonne? Mais pourquoi ce caprice? C'est un secret. Es-tu satisfait de ton voyage? On ne saurait l'être davantage. J'ai d'importants travaux à exécuter pour plusieurs grands maîtres de forge. En attendant la fin des travaux, j'installerai provisoirement un atelier de dessin ici. De cette façon, j'aurai mes employés sous la main. Tu ne pourras surveiller à la fois tes maçons et tes dessinateurs, et être en même temps à Paris et à Courbevoie. À coup sûr. Mais, outre les contremaîtres, j'aurai un garçon sérieux, intelligent, instruit, capable de conduire les travaux et de me remplacer. As-tu quelqu'un en vue? Personne quant à présent. Et le choix sera difficile, car il s'agit d'un poste de confiance. Mais en cherchant bien, oh, tu trouveras. Compterais-tu, par hasard, me recommander un de tes protégés? Demanda le millionnaire en riant. « Qui sait ?» répondit la jeune fille en riant aussi. « Mais tu dois être brisé de fatigue. Va te reposer, petit père, et demain nous causerons. »